Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Le ministère burundais de l'Intérieur dit reconnaître les organes du parti CNL élus en 2019. Des éclaircissements du porte-parole de ce ministère ce jeudi lors de l'émission publique des porte-parole des institutions tenues au chef-lieu de la province Muramvya. Dans cette édition, on vous parlera des grognes des agriculteurs de la province Makamba, encore en possession des bons d'achat des fertilisants, des bons ayant perdu leur validité depuis 10 jours. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle les journalistes à exercer dans le strict respect des règles du métier, vu leur travail important dans l'avancement socio-économique. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour débuter cette édition. Le parti UPRONA souhaite que la question de délimitation de la circonscription électorale soit bien déterminée dans le code électoral. Le président de ce parti, qui le dit, trouve qu'avec le nouveau découpage administratif, les membres des conseils communaux seront très nombreux. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti de Rwagasore, invite le Sénat burundais à se prononcer sur la nécessité des quotas ethniques ou pas. Car, dit-il, ils doivent figurer dans le prochain code électoral. Suivez-le au micro de Moïse Misago. Vous savez qu'on a voté, on a même promulgué la loi qui donne redécoupage de différentes provinces et communes aujourd'hui. Tenant compte de ce redécoupage aussi au niveau du code électoral, ça doit changer. Il y a des communes qui ont plus de 200 membres. Dans le conseil communal, tenant compte des cooptations, des équilibres, ça peut même arriver à 250. Alors, il faut savoir quelle est la circonscription, effectivement. Est-ce que ça sera la zone? Est-ce que ça sera toujours la colline? Alors, c'est ça ce qu'il faut discuter, effectivement, pour qu'effectivement, au niveau du code électoral, ça soit bien éclairci. Mais aussi, autre chose, dans la constitution, au niveau du Sénat, c'est le 2 par province. Et les provinces aujourd'hui sont un nombre de 5. Voilà alors la taille du Sénat si ça restera comme ça. Est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'on va changer les articles de la Constitution? Est-ce qu'on va accepter que c'est les 10 seulement membres du Sénat? Vous voyez qu'il y a encore quelque chose à discuter. Mais aussi la circonscription électorale au niveau des députés, au niveau de la Constitution, on dit que c'est au moins 100 députés. Et avec est-ce que les anciennes provinces sont des circonscriptions au niveau des députés, ça aussi, ça reste une question à analyser. Dans le code électoral actuel, on prévoit effectivement les quotas ethniques. Mais dans la constitution actuelle, dans l'article 289 aussi, on prévoit que le Sénat va s'exprimer si les quotas sont encore nécessaires ou pas. Nous attendons le Sénat. Alors, ce que nous demandons au Sénat, c'est de travailler très rapidement, que ça ne soit pas des problèmes qui seront soulevés, parce qu'on ne voit pas comment on va continuer à tenir compte sur les listes, alors que cette donnée des quotas ne sera pas encore bien mûrie et bien analysée. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, et le ministère de l'Intérieur annonce qu'il a déjà reçu les propositions de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur les dispositions qui devraient être révisées dans le code électoral. Le ministre Martin Niteletse indique qu'il prévoit de rencontrer les membres de la CENI et les partis politiques pour d'autres éventuelles propositions en rapport avec les innovations du code qui régira les élections de 2025. Et la rédaction de la radio-télévision Isanganiro revient sur certaines dispositions du code électoral de 2019 qui, d'une manière ou d'une autre, méritent une révision en fonction du moment. Ce sont notamment les dispositions liées à l'ordre des élections qui combinaient les élections présidentielles, législatives et communales. C'est au moment où le mandat du président est de 7 ans, alors que celui des députés et conseils communaux est de 5 ans. Doré Bingawire a fait la lecture du code électoral de 2019. Suivant les dispositions du code électoral du 20 mai 2019 portant code électoral, l'ordre des élections étant fixé de façon à ce que les élections présidentielles des députés et des conseillers communaux sont combinées. Après ces trois élections organisées le même jour, suivent ou du moins ont suivi les élections des sénateurs, puis celles des membres des conseils de colline ou de quartier, comme le précise l'article 1er de ce code. L'article 89 indique que le mandat du président de la République est de 7 ans. Au sujet des élections législatives, il y a autant de circonscriptions électorales que de provinces, précise l'article 115. La nouvelle délimitation territoriale montre que le Burundi aura en 2025 5 provinces. Quant à l'article 108, l'Assemblée nationale compte au moins 100 députés à raison de 60% de Hutu et 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% des femmes. La cooptation des députés de l'ethnie Twa se fait sur base de listes présentées par leurs organisations les plus représentatives reconnues par l'autorité de tutelle en tenant compte de la dimension genre et de la répartition géographique. L'article 109 précise que le mandat de législature est de 5 ans. Quant aux élections des sénateurs, l'article 140 montre qu'il y a autant de circonscriptions électorales que de provinces, la mairie étant assimilée à une province. Le Sénat est composé de 2 délégués de chaque province élus par un collège électoral composé des membres des conseils communaux de la province considérée, comme le stipule l'article 142. Enfin, l'article 38 prévoit que les opérations de vote sur le plan national se déroulent sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante au niveau de la province, de la commune et de la colline ou quartier. La Commission électorale nationale indépendante est assistée par des commissions provinciales et communales dont les membres sont nommés par la commission du niveau directement supérieur. Isanganiro, la radio de l'avenir. 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro. Nous poursuivons avec cette édition. Les inquiétudes des retraités sont en cours d'analyse et seront renvoyées en Conseil des ministres pour être adoptées. Des propos de Prosper Nalgwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, ce jeudi lors d'une émission publique des porte-parole des institutions tenues au chef-lieu de la province Muramvya. Quant aux dissensions entre membres du parti CNL, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, en la personne de Pierre Mouliquié, a répondu que les partis en conflit ont été entendus par le ministre. Il a en outre précisé que les organes reconnus par ce ministère sont ceux qui ont été élus en 2019. Le point avec Jean-Marie Mayong. Au cours de cette émission publique des différentes institutions de l'État, la question en rapport avec la régularisation des retraités a été posée pour avoir de la lumière. Prosper Nagwamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, a répondu que cette question est en cours d'analyse avant d'être acheminée dans le Conseil des ministres pour être adoptée. Il a bien signalé que cette question des retraités sera bien étudiée et tranquillisée. Tous les retraités que leur doléance auront des bonnes réponses. Ces textes d'application sont en train d'être préparés par le ministre de la Solidarité. Le projet de loi est prévu, ce qui reste c'est qu'il soit retourné en conseil des ministres pour adoption. Après, il n'y aura ni d'entrave, suivra le travail de décompte et de régularisation des fonctionnaires de l'État concernés. Même si les moyens ne sont pas suffisants, il peut y avoir révision budgétaire. Nous vous tranquillisons, suivez les radios. Si ces textes figurent sur l'ordre du jour, vous saurez si ça a été adopté ou non. Une autre question soulevée est celle des mésententes entre les membres du parti CNL adressées aux porte-parole des ministères de l'Intérieur et du Développement communautaire. Pierre Mouliquié a répondu que les partis en conflit de ce parti ont été reçus par le ministre de l'Intérieur et ce dernier leur a prodigué des conseils et de bonnes orientations pour la bonne marche de leurs activités au sein de leur parti politique. Pierre Mouliquié a bien signalé que le ministère de l'Intérieur reconnaît les organes dirigeants de ce parti CNL élu en 2019. Le ministre les a reçus et les a entendus. Chacun de son côté, il veut à prodiguer des conseils pour qu'ils puissent s'organiser dans le but de trouver solution des problèmes se trouvant au sein de les parties et d'avoir une bonne organisation. Après avoir constaté que les activités de ce parti sont divergentes, le ministre a pris la décision de suspendre les activités de ce parti sur tout le territoire burundais, car le ministre avait des informations que s'il y a des congrès de ce parti, ça pourrait provoquer des querelles entre les deux parties concernées. Les autorités connues jusqu'à aujourd'hui au sein de ce parti sont celles élues en respectant la loi en 2019. Dans cette même émission publique, d'autres questions comme la pénurie de carburant et des produits baroudi ont été posées. Le porte-parole du chef de l'État, Rosine Guilaine Gattoni, a répondu que pour le carburant, la quantité est suffisante dans les stocks stratégiques de carburant. Jean-Marie Mayonga, les journalistes ont un rôle très important dans le développement socio-économique du pays. Ceci a été dit ce jeudi par Anaclenzo Habonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. C'était lors de l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias pour promouvoir les droits de l'homme. Le vice-président de la CNIDH appelle les journalistes à toujours exercer dans le strict respect du code et de déontologie journalistique. Suivez. Il faut dire que les journalistes ont un rôle immense à jouer. D'abord dans leur mission, il y a celle d'informer et de former l'opinion nationale et internationale. Et vous comprenez alors que les journalistes ont la capacité de relayer une information à travers tout le monde. Et alors, si avec ce pouvoir qui est immense, parce que c'est celui qui est le plus écouté, et donc avec ce pouvoir immense, si le journaliste n'est pas outillé, n'utilise pas les principes déontologiques et éthiques qui régissent la profession, et donc vous entendez que ça peut être alors un problème. C'est compte tenu de votre rôle que vous êtes appelé à jouer dans le développement économique et social du pays. Anaclenzo Habonayo, vice-président de la CNIDH, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyang. Parlons agriculture à présent. Des agriculteurs possèdent encore des bons d'achat des fertilisants en province Makamba et des bons d'achat qui ont perdu leur validité depuis le 10 du mois courant, comme indiqué par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement via les communiqués des 19 et 6 du mois en cours. Ces agriculteurs demandent qu'il leur soit accordé une autre opportunité pour les remettre. Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement le confirme. Il indique que la direction n'a plus la prérogative de recollecter ces bons et que la question est déjà soumise au niveau du ministère. Le point avec Élisée Quizer. Ce bon d'achat pour les fertilisants non encore collectés sont des saisons culturales A, B et C de cette année en cours. Certains des agriculteurs cherchent à les remettre à présent alors qu'ils ne sont plus valides. Leur validité a expiré depuis le 10 du mois courant, comme il avait été indiqué via les communiqués qu'a sorti le ministère et à l'agriculture dans ses attributions en date du 19 juin et du 6 juillet. Un des agriculteurs est contacté, solamente que ses bons d'achat ne vont lui servir à rien, bien qu'il se présentait incessamment au centre de distribution des fertilisants, mais en V, et réclame un autre délai pour que ces bons d'achat ne soient pas invalides. Au niveau de la BPAE, la directrice provinciale de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement à Makamba, Léonie Chimilimana, affirme qu'il y a des agriculteurs qui possèdent encore ces bons d'achat pour les fertilisants, mais qu'on n'a plus droit de les recollecter. Et fait savoir que cette question est déjà à main du ministère de tutelle. Signalons que la distribution des fertilisants a pris fin le 5 du mois courant, quand tous les fertilisants destinés aux agriculteurs n'étaient pas encore acheminés au niveau des zones en raison de la pénurie du carburant qui se manifeste souvent dans le pays. Cette collecte des bons d'achat a été opéré du 6 au 10 du mois courant et parmi les tickets de ceux qui n'ont pas été servis ces fertilisants dans la province de Makamba, on cite plus de 800 pour les fertilisants de type Imbola qui ont été collectés. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Restons au sud du Burundi, quittons la province Makamba pour nous rendre en province Rumonge où les 300 000 francs burundais par personne payés à la commune Bugarama de cette province pour obtenir une échoppe au marché moderne en construction à Gahuni depuis 2018 doivent être remboursés avant la fin de juillet de cette année. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, réagissant aux lamentations de l'un des commerçants ayant déjà payé cet argent, dit que c'est illogique de faire payer de l'argent pour des échoppes qui ne sont pas encore disponibles. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Cet argent qui doit être remboursé sans aucune autre forme de procès et ces 300 000 francs burundais par personne payés pour l'obtention d'une échoppe dans le marché moderne de Gahuni dont la construction devrait débuter en décembre 2018. Cependant, les travaux de construction de ce marché qui devraient durer 6 mois ne sont pas encore terminés et certains qui ont payé cet argent expriment leurs inquiétudes devant le ministre de l'Intérieur. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique, après ces lamentations, demande au nouvel administrateur communal de Bugarama de fournir de la lumière sur ce dossier dans une série de questions-réponses au terme de laquelle le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions ordonne au gouverneur de la province de Rumonge de suivre de près ce dossier et s'assurer que cet argent a été totalement remboursé aux ayants droit. Un rapport relatif lui sera ensuite transmis avant la fin de ce mois de juillet 2023, ordonne le ministre de l'Intérieur avant de préciser que si le Fonds national d'investissement communal finance déjà la construction de ce marché, ces autres fonds exigés aux bénéficiaires sont injustifiés. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. C'est par cet élément de la province Rumonge que nous mettons un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré parfaitement la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.